Alerte de novembre 2016. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte, numéro 10 de novembre 2016. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Les pauses musicales sont extraites de la leçon de piano de Michael Neimann.